Chapitre 29e. À 4 heures, cria le lieutenant, tous les hommes sur le quai avec armes et bagages, et qu'on ne laisse rien ici, pas même un bouton. C'était à Courbevoie, le matin du 19 janvier, dans une maison abandonnée où était campé le bataillon de Joseph. Le lieutenant, une lanterne à la main, se tenait sur le seuil de la chambrée où Toussaint et ses camarades dormaient la tête sur leur sac. Après avoir lancé ce bref commandement qui réveilla toute l'escouade, l'officier referma bruyamment la porte. « On ne peut pas rester une minute en paix !» s'écria un jeune garde, à la barbe bien peignée, en étirant les bras. « Décidément, je regrette l'Empire. »« Il paraît que c'est aujourd'hui que nous faisons la trouée !» dit un peintre goguenard en roulant sa couverture dans sa toile de tente. Et il fredonna d'un ton de complainte une vieille chanson de conscrit. « Mon capitaine est mort, et moi je vis encore. Demain, au point du jour, ce sera à mon tour. » Joseph, grave et un peu nerveux, boutonna sa longue capote vers bouteille et boucla son ceinturon. La veille, en recevant l'ordre de se tenir prêt à partir, il s'était bien douté qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse. Depuis 3 jours, on ne parlait que d'un suprême effort à tenter. Et les journaux prêchaient la sortie en masse. Aussi, il s'était hâté d'aller embrasser la mère Sénéchal et Angèle, sans rien leur apprendre cependant des rumeurs qui agitaient la ville. Tout en procédant silencieusement à son paquetage, il sentait un léger frisson lui courir le long de l'échine, et il avait la bouche sèche. « C'est donc aujourd'hui que je vais boire le feu pour tout de bon, » pensait-il. « Cela produit sur le nerf un certain effet. Bon, je saurai me tenir aussi bien que les autres. » Le devoir serait trop facile s'il n'y avait pas quelques moments durs à passer. Il suivit ses camarades qui descendaient en faisant résonner la crosse de leurs fusils sur les marches. Au dehors, la nuit était sombre et humide. Le bataillon alla se masser le long du parapet, tournant le dos à la Seine, qui roulait avec un bruit plaintif et faisant face aux maisons de Courbevoie qui se profilaient noires sous le ciel gris. Çà et là, une lumière apparaissant à une fenêtre trouée d'un point rouge cette obscure rangée de façades. Sur la chaussée, des régiments s'écoulaient lentement vers l'avenue. Dans la nuit montaient des piétinements d'hommes et de chevaux, des jurons, des cris de commandement, et tout au loin, le roulement sourd des fourgons d'artillerie. Joseph s'était appuyé contre le parapet. « Voici une chaude journée qui se prépare, camarade, » dit une voix de basse dont l'accent théâtral ne lui était pas inconnu. « Pouvez-vous me donner du feu pour mon cigare ?» Toussaint jeta un rapide coup d'œil sur la haute taille de son interlocuteur, puis frotta une allumette sur sa manche et la lui tendit. L'allumette éclaira un moment les deux figures, et à cette lueur vacillante, le jeune homme eut le temps de distinguer 2 grands yeux noirs, un teint bistré et une bouche sarcastique ornée de fières moustaches en croc. « Monsieur la Genevrais, » murmura-t-il stupéfait. « Hein ? » reprit l'autre. « Vous me connaissez ? Qui êtes-vous ? » « Joseph Toussaint. » Comme ce nom ne semblait rien rappeler à la Genevrais, Joseph ajouta. « Je vous ai vu à Baie, chez Madame Sénéchal. »« Ah, en effet, je me souviens. »« Vous avez donc quitté l'étude de votre tabellion pour venir vous fourrer dans cette bagarre. »« De quel bataillon êtes-vous ? » »« Du 19e. »« Mais vous, monsieur la Genevrais, comment êtes-vous ici ?»« Je croyais que les bataillons de marche ne prenaient les hommes que jusqu'à 45 ans. »« J'y suis comme volontaire. » »« Dans le temps pleutre où nous sommes, on ne saurait saisir trop vivement l'occasion de corser un peu sa vie. »« J'ai bon pied, bon œil. » « Vous le verrez tout à l'heure. » On s'était engagé dans l'avenue de Courbevoie. Au milieu des fourgons qui obstruaient les contre-allées, les troupes de ligne, les mobiles et les gardes nationaux s'avançaient péniblement sur 3 files parallèles. À travers le tumulte, on entendait du côté de Paris, et par intervalles réguliers, les lointaines détonations des obus prussiens éclatant sur la rive gauche. Cette lugubre clameur du bombardement était accueillie avec une sorte de sauvage satisfaction par des mobiles de province qui côtoyaient le 19e bataillon. « Tant mieux !» s'écria l'un d'eux, de façon à être compris des gardes nationaux. « Qu'on leur donne des obus à ces Parisiens, c'est pain béni !»« Oui, » reprit un second, « nous en avons assez reçu. Nous ne sommes pas pour la lutte à outrance, nous autres. »« Drôle !» grommela la Genevraie. « Et voilà où nous en arrivons, en fait de patriotisme. Ici, des braillards, là, des paysans peureux qui bêlent après leur étable. » Les Allemands ont raison, nous sommes un peuple fini. Cette guerre aura été une rude leçon, répliqua Toussaint. Si nous avons la chance d'en sortir, nous en sortirons retrempés. Vous croyez aussi à la régénération, vous ? Repartit dédaigneusement Gaspard. Un peuple vieilli ne se régénère pas, mon garçon. Pas plus qu'un fruit trop mûr ne redevient vert. Que le siège finisse, et vous verrez cette population, lasse de pain noir, se ruer au plaisir comme une bande de pourceaux affamés. Chacun voudra voir sa grâce lipée, et on se battra au bord de l'ange. Vous m'étonnez, interrompit Toussaint. Comment, avec de pareilles idées, êtes-vous ici, le fusil sur l'épaule? Car enfin, à votre âge, c'est le fait d'un cœur croyant et généreux. En vérité, vous m'étonnez. Mon cher, répondit la jeune vraie avec hauteur, les hommes comme moi n'ont été faits que pour étonner les naïfs comme vous. Je n'ai pris un fusil ni par héroïsme, ni par conviction. Je suis parti parce que cela m'ennuyait d'écouter les bras croisés, le bruit agaçant des obus. J'ai un profond dégoût de la vie et de moi-même, et ma peau ne vaut pas cher. Je suis comme un vieux vase oublié au fond d'un parc, et que l'eau de pluie, les feuilles mortes, les moisissures remplissent jusqu'au bord. Si je reste couché là-haut avec une balle dans le crâne, la perte sera mince, et si j'en reviens, la société n'aura pas de quoi s'en féliciter. L'encombrement les avait forcés à faire halte au pied du mont Valérien. Le jour se levait maussade à travers le brouillard, et dans cette froide clarté matinale, on distinguait les figures pâles et déjà fatiguées des gardes nationaux. Quelques-uns s'étaient assis sur des tas de pierres et attendaient sans impatience l'ordre de repartir. D'autres allumaient leurs pipes et fumaient en tirant des bouffées avec une hâte nerveuse. Une détonation partit du fort, et peu après, la fusillade commença à pétiller de l'autre côté du mont Valérien. « Il paraît que c'était le signal, » dit la jeune vraie. « Ça va chauffer là-bas. » On se remit en marche au bruit des coups de fusil. Joseph était devenu songeur. La jeune vraie fumait et cheminait gaillardement sans avoir l'air de se douter du poids de son sac. On contourna ainsi le fort, qui de temps en temps envoyait des obus vers les bois d'en face. Les projectiles filaient avec un long sifflement et s'en allaient éclater dans les fourrés, d'où s'élevaient des flocons de fumée. Il était environ 10 heures quand les bataillons de Joseph et de Gaspard descendirent le versant opposé au coteau de Buzenval. Dans ce pli de terrain, des troupes nombreuses attendaient l'arme au pied, tandis que des bataillons escaladaient lentement la pente qui conduit au parc. À droite, du côté de la Jonchère, l'action était engagée. On voyait, à la lisière du bois, les hommes s'avancer en courant, tirer, se replier, puis disparaître dans les fumées blanches qui rampaient sur les champs. De tous côtés, dans le parc, des détonations étaient répercutées et multipliées par les échos des murs, et déjà des cacolets descendaient des hauteurs de Montretout, ramenant des blessés vers la forme de fouilleuse, dont les toits bruns émergeaient du brouillard. Au moment où le bataillon de Joseph s'alignait à son tour au bord d'un champ, un obus prussien éclata une centaine de pas et des balles sifflèrent. Toussaint fut secoué de la plante des pieds à la nuque comme par une décharge électrique. « Basta !» s'écria la jeune vraie. « C'est le baptême du feu. Vous en entendrez bien d'autres. » L'un des chefs de bataillon avait mis son sabre au vent et debout à 20 pas de ses hommes. « Soldats » criait-il tout haut de sa tête. « En avant ! Il faut que le 19e ne rentre à Paris que victorieux !»« Oui, sans doute, » pensait Joseph un peu mélancoliquement. « Le 19 rentrera à Paris, nominalement. Mais chaque homme en particulier est-il sûr d'y revenir les bras nets ?» Les deux bataillons commençaient à monter vers le parc, dont on voyait les murs gris et les arbres noirs se détacher sur un ciel neigeux. L'ascension n'était pas commode dans cette air détrempé, où l'on enfonçait jusqu'à la cheville. Les canons et les mitrailleuses faisaient un tapage d'enfer, et les balles venant du bois bourdonnaient autour des gardes nationaux. À mi-côte, un homme fut atteint à la tête. Ce fut l'affaire d'une seconde. Il lâcha son fusil et tomba la face dans la boue. « Oh là !» se dit Joseph. « Il m'entend peut-être autant à l'oreille. Recueillons-nous, au moins, avant de sombrer dans l'éternité. » Il essaya de penser à Angèle, à son île d'Albestroff, à la ferme où sa sœur Geneviève priait sans doute pour lui. Mais les vulgaires incidents de la marche, le fusil à maintenir, le sac trop lourd, l'équilibre à garder dans cette terre gluante, détournaient à chaque instant son attention. Le brave garçon reconnut qu'il n'était pas déjà si facile de se préparer à mourir en philosophe. Quand il atteignit les broussailles qui garnissaient le mur du parc, il était exténué et incapable de penser. La jeune vraie s'y trouvait déjà, debout, l'arme au pied, crâne comme toujours, et l'œil plein de sarcasme. « Allons, camarade » cria-t-il à Joseph en lui tendant son bidon. « Hardi, Buvez-moi une gorgée de rhum, cela vous redonnera du jarret. » Ils s'assirent côte à côte sur la pelouse. Leur bataillon devait rester là en réserve. On avait le temps de souffler et de regarder ce qui se passait. Dans le bois, la fusillade était plus vive. Des obus prussiens passant par-dessus les arbres pleuvaient sur les troupes massées autour de la ferme de fouilleuses. Plus haut, sur la croupe du mont Valérien, des pièces sans batterie et un groupe d'officiers à cheval découpaient nettement leurs silhouettes sur le ciel blanc. À droite, entre le fort et les hauteurs de Montretout, on distinguait la Seine brumeuse et plus loin Paris, à demi ensevelie dans un immense linceul de brouillard que trouaient çà et là des dômes et des flèches d'église. Le froid était supportable. Parfois même un rayon de soleil perçait les nuages et se jouait dans la fumée des bombes. Quelques flocons de neige tourbillonnaient dans l'air humide. Joseph avait coupé deux tranches de son pain de munitions et en avait offert un à la Genevraie. Celui-ci prêta un moment l'oreille à la fusillade. « Nous ne reculons pas, » dit-il, « mais nous n'avançons pas non plus. Bon, nous avons le temps de causer. Buvons un coup. » Il avala une nouvelle rasade et devint plus expansif. Il se mit à parler de ses voyages d'aventure en Amérique, de son séjour à Baie, de la maison Sénéchal, et peu à peu la conversation roula uniquement sur Angèle, dont il connaissait le retour à Paris. « Elle est donc revenue près de sa mère ?» demanda-t-il. « Les voyez-vous toujours ?» Joseph répondit affirmativement. « Pauvre fille, » continua la Genevraie, « elle n'a pas eu de chance non plus, celle-là. Je me reproche vraiment d'avoir poussé les armoises à l'abandonner. C'est une vilenie qui me pèse sur la conscience. J'aurais dû ne point me mêler de cette affaire, car je connaissais la situation de cette jolie Angèle, que René avait eu l'ânerie de mettre à mal. « Que voulez-vous dire ?» interrompit Joseph ébahi. « Je veux dire qu'elle est grosse, ne le saviez-vous pas ?»« C'est impossible !» s'écria-t-il en pâlissant. « Cela est, pourtant, des armoises me l'avaient avoué, et j'ai pu m'en assurer moi-même l'autre jour en voyant Angèle passer dans la rue. On ne trompe pas un vieux pêcheur comme moi. Elle est grosse, et comme la chose remonte à la fin de mai, elle sera mère avant peu. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend ? Un peu plus, vous m'alliez laisser tomber votre fusil sur le crâne. Allons, debout, mon garçon. Voilà, je crois, c'est notre tour de marcher. » En effet, l'ordre était venu de faire avancer les deux bataillons. Les rangs se reformèrent en silence et dans le remue-ménage qui suivit, Joseph fut séparé de son compagnon. Les hommes défilèrent deux à deux par une brèche pratiquée au mur du parc et s'engagèrent dans le bois en suivant une allée sablonneuse. Le bruit de la fusillade se rapprochait sensiblement. Les conversations avaient cessé. Chacun serrait fortement son fusil sur l'épaule et préparait ses cartouches. À un endroit où le chemin bifurquait, des balles sifflèrent tout à coup dans les branches. Il y eut un moment d'hésitation dans cette troupe d'hommes mal aguerris et peu disciplinés. Quelques gardes, perdant leur sang-froid, armaient leurs fusils et mettaient en joue instinctivement. D'autres s'étaient éparpillés dans la futaie. Joseph fut rejeté avec une partie de sa compagnie dans un sentier qui descendait brusquement vers le large entonnoir où était situé le château de Buzenval. Le pauvre garçon marchait fiévreusement, tressaillant à chaque balle qui hachait les branches au-dessus de sa tête. La révélation de la Genevraie lui avait ôté tout son courage. Il ne pensait plus qu'à Angèle, et mortellement navré, il ne formait plus qu'un vœu, échapper au bal, sortir du parc et courir rue du Dragon. Il se sentait devenir lâche, et imitant ses compagnons, il courait d'arbre en arbre en quête d'un abri. Il atteignit ainsi le fond de l'entonnoir et arriva au bord d'une pièce d'eau en partie couverte de joncs desséchés. En face, les bâtiments du château miraient sinistrement dans le noir leurs murs troués et leurs fenêtres éborgnées. Au pied d'un massif de pins, une compagnie de lignards s'était abritée en attendant le moment de retourner au feu. Les troupes y étaient assis, leurs fusils entre les doigts, et leurs pantalons rouges tranchaient sur la mousse verte du talus. À la vue de cette poignée de gardes nationaux effarés et désorientés au milieu des balles qui s'aplatissaient contre les arbres, toute la compagnie partit d'un bruyant éclat de rire. « Ohé, les capotes vertes !» cria un lignard. « Comment trouvez-vous la lutte à outrance ? Aimez-vous cette musique-là ? Allons, mes gaillards ! Remontez donc avec les camarades faire la grande trouée !» Joseph rougit. « C'est vrai, dit-il, je suis un lâche. » Et comme les troupiers, sur l'ordre du lieutenant, se disposaient à marcher, il les suivit et grimpa bravement avec eux jusqu'au bord du plateau. La lisière du bois fourmillait de tirailleurs, soutenant de leur mieux l'attaque des Prussiens, qui étaient revenus en force. L'étendue du plateau disparaissait sous des nuages de fumée, à travers lesquels on ne distinguait plus rien. Les gardes nationaux, épuisés par une marche de 24 heures et peu habitués au feu, perdaient visiblement du terrain. Ils se repliaient en désordre parmi les arbres. Quelques-uns, agenouillés derrière des tas de pierres, rechargeaient leurs fusils et tiraient de nouveau. Joseph s'était abrité contre un de ces cubes de moellon à côté d'un garde qui s'y tenait immobile, le fusil en joue. Là, il se mit à faire maladroitement mais consciencieusement son devoir. Le feu des Prussiens redoublait de furie, et les mobilisés commençaient à lâcher pied. Tout à coup, un grand garde national en capote verte sortit du bois, la moustache au vent, et Joseph reconnut la Genevraie. Gaspard se retourna fièrement et apostropha les fuyards. « En avant » s'écriait-il. « En avant !» Mais personne ne le suivait. Il mit en joue, déchargea son fusil, et le jetant sur son épaule avec un geste plein de crânerie. « Canaille » cria-t-il encore de sa voix d'airain. Ce fut tout. Une fusillade formidable partit du mur prussien et l'abattit dans la fumée blanche. Joseph se sentit remué jusqu'aux moelles. Ses doigts tremblaient contre la crosse de son fusil. Pour se réconforter, il voulut adresser la parole à son voisin, qui demeurait silencieux, à genoux contre les pierres, l'arme horizontale, et en lui secouant le bras, il s'aperçut avec horreur qu'il avait affaire à un cadavre. À partir de ce moment, il ne se rendit plus compte de ce qui se passa. Il ne tirait plus et restait comme pétrifié, écoutant stupidement les balles filer avec un bruit de mouches bourdonnantes. La nuit était arrivée et ajoutait encore à l'aspect lugubre de ce coin du bois. Un clairon sonna à la retraite et le mouvement en arrière s'accentua. « Venez-vous, » dit un garde qui passait près du tas de pierres, « c'est fini. » Il se leva et redescendit lentement dans le taillis ténébreux. À la sortie du parc, il retrouva son bataillon qui se reformait le long du mur. Puis on se mit en marche au milieu de la plaine boueuse et noire, escorté par les obus prussiens qui tombaient dans la terre détrempée sans éclater. À 8 heures, le bataillon avait regagné la fouilleuse. Joseph, épuisé et mourant de soif, s'était dirigé vers les jardins de la ferme où il y avait une source. Mais le réservoir était tellement entouré par la foule des soldats qui se disputaient pour en approcher qu'il ne put emplir son bidon. Il se rebattit vers les bâtiments, transformé en ambulance. Lorsqu'il pénétra dans la ferme, il vit qu'elle était encombrée de blessés. À chaque instant, des brancardiers arrivaient, portant un fardeau sanglant. Sous la voûte, une lanterne était accrochée au mur. La lumière rouge tombait d'aplomb sur un angle où l'on venait de déposer 5 ou 6 gardes nationaux roulés dans leurs longues capotes. « Ceux-là n'ont plus besoin de rien !» murmura un infirmier en coudoyant Toussaint qui s'avançait. En effet, ils étaient morts. Et parmi eux, Joseph, en se penchant, reconnut Gaspard la Genevraie. Il avait été foudroyé par la balle, et la rigidité cadavérique l'avait saisi en pleine vie. Son front large avait conservé son expression hautaine. Ses yeux ouverts étaient fixes, et sous sa moustache teinte, ses lèvres sarcastiques semblaient encore frémissantes d'un souverain mépris, le mépris des hommes et de la mort.